À demain. À demain. Il y a d'abord eu Oumuamua, il y a presque 2 ans, premier objet observé dans notre système provenant d'un autre système, puis depuis quelques semaines, Borisov, une comète qui elle aussi vient de l'espace lointain. 2 occasions de nous demander, mais d'où viennent ces objets, ou plus exactement, qu'ont-ils traversé? Qu'y a-t-il entre notre système et les autres? De quoi est fait ce milieu interstellaire? Et à l'échelle supérieure, de quoi est composé le milieu intergalactique? Bref, en résumé, qu'y a-t-il là où il n'y a rien? Réponse: de la poussière, du gaz et des étoiles en devenir. Milieu interstellaire, gaz à tous les étages, c'est le programme intergalactique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour scruter donc les confins de notre système solaire et comprendre ce qu'il y a au-delà, nos guides intersolaires donc et intergalactiques sont aujourd'hui Maud Galamé, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome au département d'astrophysique du CEA à Saclay et Pierre Guillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à Sorbonne Université et à l'Institut d'astrophysique de Paris. Mais avant de franchir l'héliopause, on fait le tour de l'actualité terrestre et scientifique du jour avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans Nature qui affirme avoir localisé l'origine de l'humanité. On sait que notre espèce a évolué en Afrique, mais on ne sait pas où exactement. Et selon cette étude, Homo sapiens serait apparu en Afrique australe, au nord du Botswana, au sud du bassin de Zambèze, une zone jadis verdoyante. Alors pour tirer ses conclusions, une équipe australienne a analysé l'ADN de plus de 1200 personnes de cette région pour étudier de l'ADN mitochondrial, de l'ADN qui a la particularité d'être transmis par la mère. Les analyses ont décelé le plus vieux lignage génétique maternel, appelé L0. Ils ont ensuite créé un arbre généalogique qui montre la séparation des populations anciennes. L'origine de notre espèce serait donc née il y a environ 200 000 ans dans cette région, avant de s'y disperser entre 130 000 et 110 000 ans. Paul Verdu est chargé de recherche CNRS et généticien des populations au laboratoire du Musée de l'Homme. Donc en fait, si vous regardez l'ADN mitochondrial, vous regardez une histoire très spécifique, c'est celle de la lignée maternelle, l'unique lignée maternelle qui vous a donné naissance. Et donc à partir de là, ça nous donne à la fois une information extrêmement précise, mais aussi une information qui est malgré tout limitée. L'ADN mitochondrial ne va me raconter qu'une partie de l'histoire génétique et généalogique qui vous a donné naissance. Donc c'est à la fois une information cruciale et une information qui nous donne qu'une facette de l'histoire du peuplement humain. Donc il est clair que c'est un apport important pour nous les généticiens pour mieux comprendre l'histoire du peuplement humain. En revanche, c'est aussi une étude qui contextualise finalement assez peu, c'est-à-dire que ils vont chercher une origine dans ces populations-là et ils trouvent des lignées extrêmement anciennes, mais des lignées qu'on va retrouver également par ailleurs. L'une des grandes difficultés, c'est que on considère que les populations qu'on a échantillonnées là aujourd'hui, qui vivent à un endroit aujourd'hui, on imagine qu'elles ont toujours vécu là. Là, ça commence à être une hypothèse beaucoup plus lourde de sens et de conséquences et beaucoup plus spéculative. Il va falloir mettre des bémols quant aux conclusions. Et là, les conclusions sont effectivement que ces régions-là auraient porté, il y a 100 000 ans, les ancêtres des lignées maternelles qu'on trouve aujourd'hui. Ce qui est une hypothèse pour le moins questionnable. Donc voilà, on a encore beaucoup de travail et beaucoup de pain sur la planche. On passe au bref. Selon une étude, Selon une étude parue dans Nature Climate Change, avec la fonte des glaces, le pergélisol de l'Arctique libère à présent de grandes quantités de CO2. C'est une vaste étude internationale qui a réalisé plus de 1000 mesures à partir d'une centaine de détecteurs de dioxyde de carbone placés sur plusieurs sites de la région. L'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que partout ailleurs, et en fondant, le pergélisol libère environ 1,7 milliard de tonnes de CO2 par an. C'est deux fois plus élevé que les derniers relevés, et surtout c'est plus que les plantes de la région sont capables de stocker durant l'été. Cela signifie que l'Arctique est devenu un émetteur de dioxyde de carbone. Selon le pire scénario de cette étude, les émissions du pergélisol pourraient augmenter de 41% d'ici 2100. L'astéroïde Iji, qui pourrait être requalifié et devenir la plus petite planète naine de notre système solaire. De nouvelles observations qui viennent de paraître dans Nature Astronomy amènent à la reconsidérer. Suite aux images de meilleure résolution réalisées par l'instrument Sphere du Very Large Telescope, on découvre qu'il est plus large que prévu et surtout qu'il est sphérique. C'est l'une des conditions pour être classé au rang des planètes naines. Iji en remplissait déjà trois. Il n'est pas une lune, il tourne autour du Soleil et il n'a pas nettoyé les environs de son orbite. L'Union Astronomique Internationale pourra trancher à son sujet dès 2020. Et enfin dans Nature, toujours, un consortium international vient de réaliser le plus grand séquençage génomique de plantes vertes jamais réalisé. Cela représente 9 années d'études et c'est l'arbre évolutif le plus complet à ce jour pour les plantes vertes. Aujourd'hui, on compte plus de 5000 espèces de plantes et le but de ce travail, c'est de démêler les fondements génétiques de ce développement. Les chercheurs ont séquencé des transcriptomes, l'ensemble des gènes activement exprimés de plus de 1000 espèces de plantes. Algues vertes, mousses, fougères, conifères, plantes à fleurs, les résultats mettent en lumière plus d'un milliard d'années d'évolution. L'une des caractéristiques de l'évolution des plantes est la fréquence de duplication du génome. Des lignées de plantes ont doublé, triplé, voire quadruplé l'ensemble de leurs gènes, ce qui entraîne une taille massive du génome. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des journal des sciences, en vous précisant évidemment que tous les articles, tous les liens vers les études qui ont été mentionnés, vous pouvez les retrouver sur notre fil Twitter @laméthodefc ou sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Alors au départ, on pensait qu'il n'y avait rien, puis on a pensé qu'il y avait de l'éther dans lequel flottaient les corps astraux, puis l'éther est devenu vide et le vide s'est peuplé. Mais si l'on connaît aujourd'hui à peu près, ou en tout cas assez bien, la composition de l'espace à l'intérieur de notre système solaire, qu'en est-il de celui qui est à l'extérieur? Qu'y a-t-il entre les étoiles et au-delà, qu'y a-t-il entre les galaxies dans notre univers? Bref, de quoi est composé le milieu interstellaire et le milieu intergalactique? Écoutez la réponse qu'apporte à ces questions Paul Couder, astronome à l'Observatoire de Paris, dans cette émission de la radiodiffusion française. Nous sommes en 1949. Quand la lumière nous parvient d'une étoile très lointaine, cette lumière a cheminé à travers le prétendu vide interstellaire. Et s'il y a de la matière dans ce prétendu vide, cette matière absorbe certaines longueurs d'onde de la lumière, et sur nos clichés, il y a un vide dans l'analyse de cette lumière qui nous donne le témoignage de la présence de quantités de matière entre l'étoile et nous. D'une façon certaine et mesurable. Ce sont ces raies, qu'on appelle les raies du gaz interstellaire, qui nous montrent qu'en particulier, il y a beaucoup d'hydrogène entre les étoiles. Il y en a tellement que on estime à 2 atomes d'hydrogène par centimètre cube la densité moyenne de ce milieu, c'est-à-dire que dans ce vide interstellaire, on ne peut pas glisser 1 centimètre entre 2 molécules. C'est déjà un excellent vide, si vous vous rappelez que les meilleurs vides terrestres laissaient 3 milliards de molécules par centimètre cube. Là, il ne reste plus que 2 molécules. Et nous approchons, en somme, alors tout de même, à partir de là, nous approchons du vide. Car le demi-centimètre est une conception humaine possible, alors que les milliards de milliards... Si vous voulez, il y a 0,5 centimètre de vide entre 2 atomes d'hydrogène. Nous dirons atomes, ce ne sont pas des molécules d'hydrogène. Oui. Il y a, ce sont des atomes. Alors, on peut aller plus loin. On pourra encore aller plus loin. Permettez-moi, cependant, de vous faire remarquer que cette quantité infime de gaz, si elle était rassemblée, au total, donnerait probablement une quantité de matière égale à celle qui est d'ores et déjà comprimée en étoiles. Voilà l'astronome Paul Couder. Sur la radiodiffusion française, nous sommes en 1949. Alors, que pensez-vous l'un et l'autre de cette définition du milieu interstellaire, Pierre Guillard ? Alors je pense que c'est tout à fait juste et je pense que Monsieur Couder a bien résumé en fait à la fois l'histoire mais le contenu du milieu interstellaire. Les choses ont pas mal évolué depuis, mais finalement la technique de spectroscopie par absorption, on en reparlera, hein, de l'identification des raies qui permettent en fait d'avoir une carte d'identité chimique de ce milieu, eh bien c'est tout à fait à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc c'est une belle définition, et puis on reparlera de ces densités qui sont infimes par rapport au milieu. C'est un ordre de grandeur acceptable aujourd'hui encore, Maud Galamé, deux atomes d'hydrogène par centimètre carré? Alors c'est vrai que dans le milieu interstellaire, on a des densités qui peuvent énormément varier, hein, mais c'est vrai que quand on considère par exemple, nous en astronomie, le milieu dense, c'est de l'ordre de 1000, 10 000 particules par centimètre cube, donc c'est quelque chose qui sur Terre serait considéré comme infiniment, oui, vide, complètement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout... C'est beaucoup moins que ce qu'on arrive à établir beaucoup quand on fait du vide en laboratoire. Exactement. Hein, pour donner des ordres de grandeur. Exactement, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout de cet ordre-là en laboratoire. Alors pour donner un ordre de grandeur, dans un dé à coudre d'air qu'on respire, il y a à peu près 10 puissance 20 molécules. C'est 10 avec 20 zéros derrière. Hein. Donc c'est milliards de milliards. Des milliards de milliards de milliards. Et dans le milieu interstellaire, la densité moyenne, c'est à peu près quelques atomes ou quelques molécules par centimètre cube. Mais il y a du milieu beaucoup plus ténu, avec jusqu'à 10-2 particules. Donc même pas une particule par centimètre cube. Il faut prendre 100 centimètres cubes pour avoir une particule. Ça, c'est dans le gaz très chaud. Et puis, il y a des densités beaucoup plus grandes. Donc il y a un panel de variétés. Et en fait, ce qu'a résumé M. Couder, c'est ce qu'on connaissait au début. On pensait qu'il n'y avait que de l'hydrogène. Donc, c'était la densité moyenne qu'on en déduisait. Mais en fait, maintenant, on se rend compte qu'il y a plein de phases dans ce milieu interstellaire. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le milieu interstellaire et le milieu intergalactique, Maud Chalamet? Galamé, excuse-moi. Au niveau du milieu intergalactique, je ne sais pas exactement c'est quoi les densités qu'on peut trouver, mais déjà rien dans le milieu interstellaire, on a déjà des différences énormes de densité. Hein, comme tu le disais, on a plusieurs ordres de grandeur de différence. Mais je ne sais pas, toi, tu peux mieux répondre. Alors pour le milieu intergalactique, donc on parle du milieu entre les galaxies. L'ordre de grandeur, la densité moyenne de milieu, c'est 100 000 fois moins que le milieu interstellaire. Ça, c'est l'ordre de grandeur. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus ténu que le milieu entre les étoiles, hein, à l'intérieur d'une galaxie. Par contre, il faut savoir que là aussi, dans le milieu intergalactique, c'est un milieu qui est aussi inhomogène. Vous savez peut-être qu'il y a des structures filamentaires qui relient les galaxies. Donc, dans ces grands filaments de matière, dans cette toile cosmique, le gaz est un petit peu plus dense et dans le reste, il est moins dense. Et on va en reparler dans une émission très prochainement de ces filaments cosmiques, figurez-vous. Super. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc du milieu interstellaire, intersidéral pourrait-on dire également. Nous en parlons avec Maud Galamé et Pierre Guilla. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ce milieu interstellaire, Maud Galamé? De quoi on parle? Où ça commence? Où ça termine? Donc dans une galaxie normale, il y a bien entendu ce qu'on peut voir donc avec les étoiles, c'est le plus connu, mais entre les étoiles, on a du gaz et de la poussière. Donc en tout, ça varie hein, au niveau de la masse totale de l'objet, mais le milieu interstellaire d'une galaxie peut équivaloir à la masse des étoiles ou peut être inférieur à cette masse des étoiles. Et la poussière par rapport au gaz dans le milieu interstellaire, puisque c'est les deux composantes du milieu interstellaire, la poussière c'est à peu près 1% de la masse de la masse du milieu interstellaire. Quand on parle de poussière, de quoi s'agit-il exactement? Donc c'est essentiellement des grains qui sont à base de carbone. On a considéré longtemps que c'était des graphites. Maintenant, on considère plus que c'est des carbones amorphes, donc des carbones légèrement modifiés par différentes inclusions. Et puis des carbones qui par exemple vont avoir un manteau de glace par dessus. Donc quand on va par exemple dans les milieux les plus denses, on va accroître ces manteaux au-dessus de ces grains avec des éléments carbonés. Et puis quand on va à très grande densité, on va commencer à former des glaces au-dessus de ces grains. Et puis, voilà, je disais aussi, le deuxième type de grains qu'on trouve, c'est des grains silicates. Donc, ça, c'est lié, en fait, à la précédente histoire de formation stellaire, à ce qu'ont rejeté ces étoiles dans le milieu, puisque c'est bien entendu parce qu'elles sont mortes et parce qu'elles ont rejeté des éléments qu'on a pu recréer une nouvelle génération d'étoiles avec ces nouveaux éléments. Donc, à chaque génération, on est un peu, en fait, on hérite de la génération d'étoiles précédentes. Et de la nucléosynthèse précédente. Exactement. Donc on enrichit le milieu au fur et à mesure de l'histoire de l'objet qu'on regarde. Ce qui est intéressant, Pierre Guillard, je vais vous laisser compléter, mais c'est que effectivement dans ce milieu interstellaire, on imaginait qu'il n'y avait que du gaz, mais il y a aussi des molécules, il y a des molécules qui se créent dans ces grands vides où on pensait qu'il n'y avait rien. Tout à fait, il y a à peu près 150 molécules différentes hein, qui ont été identifiées. On parlera de comment elles ont été identifiées plus tard, mais il y a toute une diversité. Et ce qui est clé, c'est que ces molécules, ce sont des radiateurs d'énergie, en fait. C'est elles qui dissipent l'énergie. Et c'est pour ça que le milieu interstellaire est un milieu si important. C'est le matériau à partir duquel se forment les étoiles. Et ces molécules, la diversité de ces molécules fait que l'énergie peut rayonner. Le gaz peut se refroidir. Et pour former une étoile, il faut refroidir le gaz. Il faut qu'il se contracte. Et pour ça, il faut qu'il puisse se refroidir. Et ces molécules jouent un rôle fondamental. On va revenir hein, ce début sur la nucléosynthèse, sur la formation des étoiles et sur cette idée qui peut paraître comme ça à première vue un peu paradoxale de dire qu'il faut qu'un gaz se refroidisse pour créer une étoile. On a plutôt tendance à dire, à imaginer qu'il faudrait que ça se réchauffe, mais on va voir qu'en fait c'est tout à fait logique. Mais pour si on prend le système solaire par exemple, Pierre Guillard, ça commence où le milieu interstellaire ? Pour notre système solaire, géographiquement. Alors géographiquement, c'est une question qui est assez difficile. En fait, hein, la frontière n'est pas très bien définie. En fait, on considère que le milieu interstellaire commence à partir de la fin, on va dire, de la sphère d'influence du Soleil lui-même. La sonde voyageur, par exemple, on dit qu'elle a pénétré ce qu'on appelle l'héliopause. On pense que le milieu interstellaire commence là. C'est une frontière qui est tout à fait ténue, difficile à définir. On va dire que le milieu interstellaire, ça commence là où l'influence gravitationnelle radiative, donc de la radiation du Soleil et de son champ magnétique, diminue fortement, et là, le milieu interstellaire commence. Pour préciser cette définition, Maud Galamé, oui, c'est vrai que les deux sondes voyageurs, on a dit, parce qu'il y a l'idée du choc terminal, enfin, il y a plusieurs frontières avant vraiment ce milieu interstellaire, et tout ça sont des frontières un peu mouvantes. Oui, exactement. C'est pas le concept de frontière n'existe pas vraiment, puisque l'intégralité du système solaire s'est formée au sein du milieu interstellaire. Donc effectivement, les planètes ont vidé le disque qui s'était formé autour du Soleil au fur et à mesure de leur création. Donc tout ça baigne dans un milieu qui était le milieu interstellaire à la base et qui a été nettoyé au fur et à mesure de la formation des planètes. Donc l'espace entre les planètes, si on en trouve, pourrait, en fait, si on rallongeait la définition, aussi être considéré comme du milieu interstellaire, hein, bien entendu. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de frontière entre les deux. Ouais. Néanmoins, l'espace entre les planètes de notre système, par exemple, et l'espace qu'il peut y avoir entre notre système solaire et le système solaire le plus proche, il y a tout de même un niveau de différence de concentration. C'est la même chose, c'est-à-dire que si on prenait, un échantillon de ce qu'il y a entre la Terre et Mars et un échantillon de ce qu'il y a entre notre Soleil et Proxima du Centaure, on trouverait à peu près la même chose dans notre tube à essai. Alors, on trouverait quand même pas tout à fait la même chose, parce que dans notre système solaire, en dehors des planètes, il y a assez peu de molécules. Il faut savoir qu'en fait, la radiation du Soleil, pour être un petit peu plus précis, les photons ultraviolets émis par le Soleil dissocient aussi les molécules, et donc à l'intérieur de notre système, on en trouve très peu. Par contre, en dehors, ce que je disais hein, sur cette sphère d'influence du Soleil, en dehors, les molécules peuvent se former et peuvent refroidir le gaz. Donc ça, c'est un peu la différence fondamentale, c'est qu'on trouverait quand même une composition chimique différente. C'est-à-dire que paradoxalement, le milieu interstellaire serait plus riche que ce qu'on trouve à l'intérieur de la sphère d'influence d'une étoile. Tout à fait. On peut dire ça. La composition, on retrouve les mêmes compositions à l'intérieur des planètes, par exemple dans l'atmosphère des planètes. Donc, par extension, on peut se dire que la composition chimique est la même, mais la densité, la quantité de molécules est différente. Hein. Pour reprendre un ordre de grandeur, dans la galaxie, dans notre galaxie, il y a à peu près 50 milliards de masses solaires de gaz. 80% de ce gaz, c'est du dihydrogène, la molécule la plus simple dans l'univers. Donc cette molécule a été très très ténue dans notre système solaire. Alors est-ce que d'ailleurs, puisqu'on parle de notre galaxie beaucoup, ce milieu interstellaire il est le même dans toutes les galaxies? Parce qu'on parle, nous on est dans une galaxie spirale, mais il y a d'autres types de galaxies, ça veut dire qu'on retrouve à peu près le même schéma de composition dans toutes les formes de galaxies? Non, justement, parce que comme je disais, la composition d'une galaxie, elle dépend beaucoup de l'histoire, enfin des étoiles qui s'y sont formées, et en fait si on regarde juste simplement ce qu'on appelle l'univers local, c'est-à-dire la galaxie Andromède qui est juste à côté de nous et les galaxies les plus proches, on se rend compte qu'en fait que la plupart des galaxies qui nous entourent sont pas du tout des galaxies spirales comme la nôtre. L'essentiel de ces galaxies c'est des galaxies naines et leur composition est complètement différente parce que il y a beaucoup moins de métaux dans ces objets là et l'intérêt notamment d'aller sonder ces galaxies, la plus connue de ces galaxies proches c'est le petit nuage de Magellan. L'intérêt d'aller les sonder, c'est parce que c'est les galaxies qui sont les plus proches au niveau de la composition des toutes premières galaxies de l'univers. Et donc, en allant les sonder, on va pouvoir comprendre les conditions de la formation stellaire dans l'univers primordial. Et c'est bien parce que elles sont réminiscentes de cette époque-là. Et elles sont proches, donc on peut aussi avoir accès à leur milieu interstellaire de façon détaillée avec nos observatoires. Alors, on dit de ce milieu interstellaire qu'il est triphasique, c'est-à-dire qu'il est atomique, moléculaire et ionisé. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre Guillard ? Alors ça, c'est une vision qui a été développée dans les années, à la fin des années 70, hein, par notamment Christopher McKee et Ostreicher. Donc c'est un modèle à trois phases. Ça veut dire que il y a coexistence dans ce milieu de trois natures de gaz différentes. Ce qu'on appelle le milieu ionisé chaud. Ce milieu, donc par définition, est composé essentiellement de protons. Et d'électrons. Donc ça, c'est un milieu qui est rejeté par les étoiles, qui est extrêmement chaud, 10 000 degrés ou plus, hein, jusqu'à 10 millions de degrés. On appelle ça aussi du gaz coronal, par ce milieu rejeté par les étoiles. Donc ça, c'est la partie du gaz chaud très ionisé. Il y a ensuite du milieu neutre, formé d'hydrogène atomique, et puis du milieu qu'on appelle froid, qui peut être moléculaire, donc des molécules. Donc il y a coexistence de différentes natures de gaz qui ont des densités et des températures différentes. Alors en première approximation, ça c'est vrai quand il n'y a pas d'influence locale de la gravité, mais en première approximation, ces trois phases, donc ces trois natures de gaz différentes, sont en équilibre de pression. Donc ça, c'est une observation qui a été faite dans les années 70, qui a été confirmée par la suite. Donc c'est assez remarquable et ça permet d'expliquer pas mal de propriétés de ce milieu dont on parlera peut-être par la suite. Peut-être un mot justement là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit que, pour compléter ce que vient de dire Pierre Guillard, qu'en fait, ces trois phases du milieu interstellaire, des gaz dans le milieu interstellaire, sont très dépendantes de l'énergie que vont recevoir ces gaz. Mais de quelle énergie, en fait, de quel type d'énergie? Le gaz ionisé vient directement de la formation stellaire, donc les photons UV qui seront relâchés par l'étoile va ioniser l'environnement. Plus l'étoile est chaude et plus elle va avoir une sphère d'influence et donc une région d'hydrogène ionisé autour d'elle qui sera importante. Et bien entendu, ce front d'ionisation va se déplacer dans le milieu interstellaire et va influencer toute la formation stellaire qui va se faire dans la proximité de cette région où s'est formée les étoiles. Donc c'est important d'essayer de comprendre les interactions entre ces trois phases parce que l'influence de la formation stellaire va impacter toute la formation stellaire future de l'objet. Et par exemple, pour revenir aux galaxies naines dont on parlait, c'est des galaxies qui n'ont pas beaucoup de poussière, qui sont très petites au niveau de leur taille. Et donc, dès qu'on forme une étoile dedans, ça va avoir un impact énorme parce que la radiation va en fait traverser toute la galaxie très rapidement. Et donc, du coup, la génération d'étoiles suivante est compromise. Donc, c'est important de bien comprendre l'interaction de ces trois phases pour ça, justement. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se représenter ce milieu interstellaire comme un milieu très dynamique, en fait, Pierre Guillard. Exactement, c'est même un aspect fondamental de ce milieu, hein, l'aspect dynamique, l'aspect turbulent. Pour faire un bilan d'énergie un petit peu de ce milieu, pour se représenter ça en termes d'énergie, il y a à peu près autant d'énergie dans la turbulence, la dynamique du milieu, sa cinématique, que dans l'énergie radiative, les photons émis par les étoiles, et puis d'autres particules qui sont les rayons cosmiques dont on parlera peut-être, qui ont été aussi à l'origine de la découverte du milieu interstellaire d'ailleurs. Donc en fait, ces trois formes d'énergie forment un équilibre. Hein. Il y a la part du gâteau énergétique est répartie de manière à peu près égale. Et cet aspect dynamique, il est fondamental parce qu'aujourd'hui, comme disait Maude, on pense que l'influence à la fois radiative mais aussi mécanique des étoiles a un impact sur la formation future de la future génération d'étoiles. Donc cette interaction entre l'aspect dynamique radiatif est fondamentale pour comprendre ce milieu, et c'est ce qui est passionnant, mais c'est aussi ce qui est extrêmement complexe. Alors justement, quelle est la part justement de ces rayonnements cosmiques qui ont évidemment, on l'a entendu, hein, une part importante dans cette dynamique, et notamment dans le passage de ces états atomiques ionisés, au contraire moléculaires, quand le rayonnement se réduit, Pierre Guillard? Alors, ces rayons cosmiques, ils ont une influence fondamentale, notamment sur le chauffage, la quantité de chauffage. Hein. Ce sont des particules de haute énergie, parfois plusieurs gigaélectronvolts, téraélectronvolts. Donc à l'intérieur de notre galaxie, ce sont plutôt des particules qui sont à plus basse énergie, mais qui ont un impact fondamental sur la quantité de chauffage qu'on peut apporter dans ce milieu. Donc eux, ils impactent. Si on chauffe le gaz, on change sa composition chimique, on peut limiter la formation de molécules, on peut ioniser des atomes, donc on change sa composition chimique. Donc ces rayons cosmiques, ils ont une part énergétique extrêmement importante, même si en termes de densité, de nombre de particules par unité de volume dans la galaxie, c'est très faible. Et alors du coup, comment est-ce qu'on comprend aujourd'hui justement cette chimie qui est à l'œuvre et qui atteint jusqu'à un moment donné la formation de molécules, de poussières complexes? Comment est-ce que qui veut essayer de me raconter ça, Maude Galamé? Alors la formation des poussières, elle se fait de façon continue dans le milieu interstellaire. Pendant longtemps, on a cru simplement que au fur et à mesure qu'on augmentait la densité dans les nuages, on augmentait le nombre de collisions de ces poussières, et puis on avait aussi des interactions entre la poussière et le gaz, et donc par accrétion sur ces grains, on allait les faire grossir au fur et à mesure. Maintenant, on sait que on n'a pas besoin d'avoir un milieu ultra dense pour grossir des grains de poussière au sein du milieu interstellaire. Le processus de croissance des grains est quelque chose qui se fait assez rapidement dans les galaxies, et ça a été aussi un processus qui n'a pas été le même au cours du temps. Donc quand on regarde des galaxies à plus haut redshift, donc avec un décalage vers le rouge plus important, on se rend compte également que ces processus de croissance avaient déjà lieu à l'époque. Et puis la croissance des grains, c'est important aussi de la comprendre quand on parle des très fortes densités et des toutes premières étapes de la formation stellaire, parce que c'est ce qui crée les graines, en fait, sur lesquelles vont se former les prochaines planètes autour d'une étoile. Pour devenir les disques protoplanétaires. Exactement. Ça, on va en discuter dans un instant sur cette chimie carbonée. Alors interstellaire, parce que c'est vrai qu'on imagine que c'est un milieu très inerte, en fait. C'est pour ça que je vous pose cette question-là. C'est complètement l'inverse. Hein. On a l'impression, quand on voit des images magnifiques de ces nébuleuses, etc., on a l'impression que c'est statique, on a l'impression que la composition chimique ne change pas. C'est tout à fait le contraire. Et les grains de poussière dont parlait Maude sont les catalyseurs. Ce sont eux qui catalysent les réactions chimiques. Il faut savoir que pour former, par exemple, une molécule de dihydrogène, on ne peut pas le faire en assemblant directement deux atomes d'hydrogène. Et ces grains sont des médiateurs. Il faut que deux atomes d'hydrogène se collent d'abord sur ces petits grains de poussière, qui migrent ensuite, qui se rencontrent pour former une molécule de dihydrogène et qui va ensuite être relâchée dans le milieu interstellaire. Donc ces grains sont absolument fondamentaux pour initier cette chimie. Et cette molécule de H2, elle est fondamentale, c'est la plus abondante et c'est elle qui va engendrer toute une cascade de réactions chimiques. Donc quand on forme H2+, par exemple, eh bien on commence à former d'autres molécules plus complexes par l'association avec des carbones. On peut former du monoxyde de carbone qui est communément observé par les grands radiotélescopes. Jusqu'à quel niveau de complexité justement peut aller cette chimie carbonée? On peut monter, je sais qu'on cherche notamment des tout premiers acides aminés, notamment la glycine. Est-ce qu'on peut aller, on n'en a pas de preuve encore, jusqu'à quel degré de complexité on peut aller, Maud Galamé? Alors les molécules qu'on a découvertes de façon extragalactique dans des galaxies qui ne sont pas la nôtre, elles restent limitées parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on parle de H2 qui est la molécule la plus abondante, mais les molécules ensuite qui se forment sont des dizaines de milliers de fois moins abondantes que H2. On parle de CO notamment qui est une molécule qu'on croit souvent. Qui est très bien détectée dans les galaxies proches, mais après, au plus on complexifie la molécule, au moins elle est abondante et au plus c'est difficile de la détecter. Alors je sais plus où est-ce qu'on en est au niveau de la complexité moléculaire dans la galaxie. On en est à, je sais, c'est un nom très compliqué avec plusieurs C, plusieurs H et plusieurs O. Mais on est allé très très loin dans la complexité moléculaire. L'acide acétique, CH3COOH. Ah, voilà, c'est ça, un nom compliqué. L'acétone aussi, CH3COCH3. Mais je pense qu'on a même des même un sucre, le dihydro. Je vais y arriver. Dihydroxyacétone, pardon. CH2OH, 2CO. Ouais. Voilà. Cette chimie, elle est extrêmement, elle peut être extrêmement complexe pourvu qu'on ait les conditions. Donc, elle se complexifie avec l'augmentation de la densité, par exemple. Donc, les molécules complexes, on les trouve autour des proto-étoiles, par exemple. Dug down so much deeper than these chicken bones. And now the darkness blacker that I hope you'll ever know. If not the breath of death on the nape of my neck, I know my name, I know my name, I know my name. I'm not like him, he is a stargazing dreamer, true-born believer in the goodness of his soul. Maybe that is why I love him so. Now Paul Mosley and the Red Meat Orchestra, Galaxies à 16h35 sur France Culture. Nous parlons non pas exactement des galaxies, mais ce qui se passe entre les galaxies et entre les systèmes solaires dans les galaxies. Nous parlons du milieu interstellaire tout au long de cette heure en compagnie de Maud Galamet, qui est astronome au département d'astrophysique du CEA à Saclay, et Pierre Guillard, qui est enseignant-chercheur à Sorbonne Université, à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors, pendant la pause musicale, on cherchait ces fameuses longues chaînes carbonées, et je disais tout à l'heure que la plus longue, c'était le j'étais sûr que j'y arriverais cette fois-ci pourtant, dihydroxyacétone, mais en fait pas du tout, il y a une chaîne carbonée de 13 éléments qui est le cyanodécapentaïne HC11N, qui est effectivement donc la plus grande chaîne carbonée découverte jusqu'à présent dans le milieu intersidéral. Ça fait des pots au Scrabble. Pour avancer un peu dans notre émission, on va s'intéresser dans cette deuxième partie à la formation des étoiles dans ce milieu interstellaire, et tout particulièrement des cœurs progéniteurs d'étoiles, avec cette question: comment scrute-t-on ces parties de l'espace qui sont pourtant si lointaines et si sombres? Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu pour cela au laboratoire de radioastronomie du département de l'École normale supérieure de Paris. Oui, jusqu'ici on pensait qu'il y avait un lien direct, ou disons une certaine proportionnalité, entre les cœurs progéniteurs et les étoiles, un peu comme si chaque cœur accouchait de son étoile. Or, selon une étude récente, cette proportionnalité serait fausse, ou du moins pas systématique et donc pas générale. Je suis allée voir Antoine Gusdorf, chercheur au CNRS, qui a étudié des milliers d'observations fournies par le télescope ALMA au Chili. ALMA qui a pu sonder des régions du milieu interstellaire galactique plus représentatives de la formation des étoiles. Ce milieu interstellaire, c'est le milieu où se forment les étoiles. Donc on étudie majoritairement la formation des étoiles et l'interaction des étoiles avec la galaxie. On va aussi s'intéresser à la chimie, au cycle de la matière dans la galaxie et à l'influence de tous les phénomènes d'injection d'énergie dans la galaxie, que sont les photons, les phénomènes d'injection d'énergie mécanique et enfin les rayons cosmiques, qui sont ces particules qui ont des énergies phénoménales dans la galaxie. Alors, dans l'étude du milieu interstellaire, on essaye surtout de comprendre comment se forment les étoiles, pourquoi elles se forment si peu efficacement dans la galaxie par rapport à tous nos modèles, pourquoi elles se forment avec ces caractéristiques, distribution de masse initiale par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'étoiles massives qui se forment par rapport aux étoiles de faible masse. Donc on va utiliser notamment deux interféromètres qui sont NOEMA dans les Alpes françaises et ALMA au Chili en altitude. Est-ce qu'à partir de ça, vous arrivez à élaborer des sortes de cartographies des cœurs qui précèdent la formation des étoiles ou d'autres populations d'objets ? Donc effectivement, un résultat important qu'on a obtenu récemment concerne la formation des étoiles. On a combiné des observations interférométriques avec des observations mono-antennes pour observer le plus précisément possible un filament dense dans lesquels on avait des raisons de penser qu'il y avait de la formation d'étoiles. Et effectivement, quand on avait étudié ce filament avec un télescope avec une résolution spatiale limitée, on avait trouvé qu'il y avait peut-être 10 cœurs massifs qui étaient les embryons, les précurseurs de la formation d'étoiles. Quand on l'observe avec ALMA, avec une résolution spatiale inégalable, on s'est aperçu que là où on pensait qu'il y avait une dizaine de cœurs denses, qui sont ces embryons d'étoiles, mais en fait, il y en a une centaine. Donc on a caractérisé la masse contenue dans chacun de ces cœurs, et on a comparé cette masse à justement cette distribution initiale de fonction de masse des étoiles. Et on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'on pensait, ce qu'on avait construit, donc, qui s'appelle la CMF, la distribution de masse initiale des cœurs préstellaires ou protostellaires, n'était pas du tout parallèle à la distribution de masse initiale. C'est-à-dire qu'il se passe des choses entre l'accumulation de matière par les cœurs et la formation des étoiles, qui ne suit pas une simple loi, un simple facteur multiplicatif. C'est-à-dire qu'on avait une loi qui pouvait expliquer la formation des étoiles à partir de cette distribution de cœurs, et qu'en fait cette loi n'est plus valable? Alors, en fait, on avait une loi qui montrait, qui avait été établie expérimentalement à partir d'observations dans le voisinage de la Terre. D'accord ? Et cette loi, elle montrait qu'effectivement, la distribution de masse initiale, elle était parallèle à la distribution de masse des cœurs. Parallèle, vous dites proportionnel ou c'est... Parallèle, ça veut dire proportionnel à un facteur multiplicatif près, tout à fait. Parallèle dans un diagramme particulier. Ce que ALMA nous a permis de faire, c'est de faire des observations de la formation des étoiles dans notre galaxie, dans des régions plus lointaines, puisqu'on avait une meilleure résolution spatiale. Et en faisant ça, on s'aperçoit que les lois de la formation des étoiles dans ces régions plus lointaines ne sont pas les mêmes que celles qu'on observe dans le voisinage de la Terre. Et donc ça remet en question tous les modèles qui utilisent la loi qui dit que la fonction de masse initiale des étoiles se déduit très simplement de la fonction de masse des cœurs. Alors, donc en fait, sur cette image, là on est dans une région de formation d'étoiles qui se trouve beaucoup plus proche du centre de la galaxie que de nous. Et ce qu'on observe ici, là, ce filament qui apparaît en couleur sur cette carte, c'est du monoxyde de silicium, dont on sait, on a montré en fait, que, a priori, cette molécule trace les régions où il y a la propagation de chocs interstellaires. Et ce filament, on a montré depuis qu'il était probablement dû à la collision entre deux amas de matière un peu plus importants qu'on appelle des nuages moléculaires. Donc ces chocs génèrent de la matière, des nouvelles molécules ? Alors, ces chocs génèrent des nouvelles molécules, des molécules que quelquefois on ne trouve que dans ces zones de choc. C'est le cas du monoxyde de silicium. Et surtout, elles vont densifier la région de collision. Et elles vont la refroidir efficacement. Et du coup, on se retrouve avec des conditions initiales favorables à la formation d'étoiles. Et donc, en observant cette région de choc très large échelle avec un interféromètre, on avait isolé ici tous ces points blancs-là, sont des cœurs denses massifs dont on pensait que c'était les embryons de proto-étoiles massives. Massives, ça veut dire plus que 10 masses solaires. Et en zoomant sur cette petite région, avec le télescope, l'interféromètre ALMA, on s'est rendu compte que là où on pensait qu'il y avait une dizaine de cœurs, il y avait en fait une centaine de cœurs. Là où, par exemple, dans cette région, on voit un point, quand on zoome avec ALMA, on s'aperçoit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, sur l'image juste à côté, on voit le grossissement. Et on voit qu'il y a 7 cœurs denses. Et cela, on pense qu'on n'est pas loin de la résolution qui nous permet d'isoler les embryons des futures proto-étoiles. Et ça, on le pense parce que, justement, grâce aux molécules aussi, on s'aperçoit que, par exemple, dans le cas de ce cœur-là, il est associé à un flot protostellaire dont on sait que lui, il accompagne la formation d'une étoile. Alors que ce cœur dense-là qu'on a isolé avec certitude, lui, il n'est pas associé à un flot protostellaire. Il est trop jeune pour être associé à un flot protostellaire. Donc en fait, en regardant tous ces cœurs denses, on peut essayer de leur attribuer un stade d'évolution. On peut aussi leur attribuer une masse et une température. Et c'est ça qu'on va utiliser ensuite pour étudier les lois globales de formation des étoiles. Voilà, Antoine Gusdorf du laboratoire de radioastronomie de l'ENS à Paris. Peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Maud Galamé. Oui, je pense que là, il a vraiment parlé d'une des questions les plus fondamentales qu'on a à l'heure actuelle sur la formation stellaire. C'est si tu me donnes un réservoir de gaz, combien d'étoiles je forme avec ? Comment, ça sert à quoi leur distribution de masse ? Est-ce qu'on va faire une étoile massive ou est-ce qu'on va faire un chapelet de petites étoiles ? Et ça, on ne sait pas encore répondre à l'heure actuelle parce qu'il y a énormément de paramètres dans la formation même des étoiles qui vont rentrer en ligne de compte, par exemple le champ magnétique dans l'objet comment le nuage va se fragmenter, comment elles vont interagir au sein de ce nuage. Donc ça, c'est vrai, c'est la grande question qu'on a. On va reparler de cette formation des étoiles qui, effectivement, d'où vient l'étincelle, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, un nuage de gaz atteint une masse critique, une température critique qui va le conduire à s'effondrer et à créer donc une ou plusieurs étoiles. Mais Pierre Guillard, votre réaction juste à ce reportage ? Alors oui, comme Maud l'a dit, Antoine a vraiment là adressé une question fondamentale. C'est aussi celle de l'aspect dynamique de ce milieu dont on a parlé. Il a parlé de choc et de ce couplage en fait entre l'énergie mécanique relâchée par les étoiles et les autres formes d'énergie, qu'elles soient radiatives ou les rayons cosmiques. Et ce couplage entre ces différentes formes d'énergie est fondamental pour expliquer l'effondrement d'un nuage moléculaire en étoile. Et on pense aujourd'hui que, par exemple, quand on a deux flots, là je prends l'exemple de deux flots convergents, eh bien ces conditions dans le milieu atomique, si on avait deux flots convergents, on pourrait former des chocs, on pourrait déclencher la formation de molécules, déclencher le refroidissement et la formation de ces nuages moléculaires qui sont la première étape de formation des étoiles. Deux flots convergents de gaz moléculaire à la même densité. De gaz atomique, pas forcément moléculaire, mais de gaz atomique. Et ces flots convergents, on les voit dans les simulations numériques qu'on fait sur ordinateur. Elles seraient une des graines initiales pour faire, pour pour faire se refroidir le gaz. Même si l'image d'étincelle est certainement très fausse, mais vous allez la corriger dans quelques instants. Maud Galamé, peut-être parlez-nous aussi, vous avez publié récemment, il y a quelques semaines, avec votre laboratoire du CEA, une étude intéressante justement sur la concentration de ces grains de poussière dans les disques de proto-étoiles qui chamboule un peu la représentation chronologique qu'on peut avoir de ces formations d'abord de l'étoile, puis des disques protoplanétaires. Oui, donc il faut savoir que quand le nuage moléculaire va s'effondrer et qu'une étoile va commencer à se former, en fait, le processus est bien entendu plus compliqué que ça. Il n'y aura pas une étincelle initiale. En fait, le cœur moléculaire va s'effondrer sur lui-même. Et puis quand il va atteindre une température de 3000 Kelvin, on va avoir un effondrement plus rapide. Donc on va former ce qu'on appelle le premier cœur de Larson. Et puis le milieu va continuer à se contracter, va atteindre des densités plus importantes. Et puis le dihydrogène qui sera dans cet environnement va subir bien entendu ces conditions physiques environnantes. Et puis on va arriver à des températures où cette molécule, la liaison qui lie les deux atomes va se rompre. Et ça va créer un deuxième effondrement qui va provoquer la dissipation du premier cœur de Larson. Et après... qu'on a éteint des températures qui seront encore plus importantes, de l'ordre de 10 000 Kelvin à peu près, on va former le deuxième cœur de Larson. Et c'est à ce moment-là qu'on peut considérer qu'on a la première étoile qui naît. Donc c'est un bébé étoile encore entouré d'un gros nuage de gaz et de poussière. Et puis au fur et à mesure que la matière va s'effondrer sur cette graine initiale, on va avoir un disque, une enveloppe qui va se former autour de cette graine initiale. Et puis ensuite, on aura un disque qui va se former. Et dans ce disque qui va continuer à s'accréter sur la graine initiale, on va commencer à former les planètes. Et dans l'étude qu'on avait publiée, nous, ce à quoi on s'est intéressé, c'est quand l'étoile elle est encore entourée de son enveloppe. Donc quand en fait la phase d'accrétion de matière sur cette graine initiale est la plus importante. Et on s'est interrogé sur quel type de grains de poussière on observe dans cette enveloppe. Et sachant que ces objets sont très jeunes, hein, ils ont 10 000 ans, donc c'est vraiment très jeune par rapport à l'échelle stellaire et cosmologique, bien entendu. On s'est rendu compte en étudiant des observations dans le millimétrique que les grains de poussière qu'on détectait dans ces enveloppes étaient bien plus gros que ce à quoi on s'attendait et ce qui est prédit par les modèles actuels de formation des grains dans ces enveloppes. Et donc, on s'est rendu compte que les graines des futures planètes pourraient en fait se former dans les environnements protostellaires, donc avant que l'étoile se forme, bien plus tôt que ce à quoi on pensait avant. Et donc, ça remet bien entendu en question toute la chronologie de la formation des planètes, puisque si elles se forment si rapidement, comment elles peuvent se former si rapidement, puisque il faut un milieu dense pour former des gros grains. Or la densité on l'a pas, il faut du temps, or le temps on l'a pas, c'est vrai que ça a posé beaucoup de questions. C'est-à-dire que si je résume à grands traits, je parle sous votre contrôle, hein, corrigez-moi si je me trompe, ça voudrait dire qu'en fait finalement la création planétaire serait presque concomitante de l'effondrement de l'étoile et du début des réactions thermonucléaires. Alors bien entendu, quand je dis des gros grains, je parle de grains millimétriques, donc on est loin d'avoir formé une planète, mais même à l'échelle des grains qu'on rencontre dans le milieu interstellaire, qui peuvent aller du nanomètre au millimètre, c'est vrai qu'on est dans la partie haute de la répartition de taille. Donc c'est vrai que ces graines en fait de planètes pourraient apparaître plus longtemps. Et la vraie question aussi, c'est comment elles survivent en fait au reste du processus, au rayonnement de l'étoile initiale, aux flots qui vont s'échapper de cette étoile initiale. Donc ça, c'est vrai que ça a ouvert beaucoup plus de questions que ça n'en a adressé. C'est à ça qu'on reconnaît les bonnes études. Exactement. Pierre Guillard, un mot sur ces travaux. Alors, ce travail, je pense, ce problème de croissance des grains, il est fondamental. Hein. Moi, je suis pas un expert de ce sujet, loin de là, mais de ce que je comprends de ces scénarios de formation planétaire, c'est que la croissance du millimétrique, des grains de quelques millimètres au centimètre, c'est le point dur des modèles de croissance des grains aujourd'hui. Donc, les former plus tôt, ça pose beaucoup de questions, mais ça ouvre une porte pour résoudre ce problème clé de croissance de ces grains. Si on revient alors justement à ce passage, parce que là aussi, intellectuellement, il y a une variation d'échelle gigantesque entre ces grains nanométriques, et puisqu'ils vont devenir ensuite bien finalement des anneaux, des protoplanètes, puis finalement des planètes. Peut-être peut-on revenir aujourd'hui à ce que l'on sait, Pierre Guillard, de ce moment où dans cet espace interstellaire, ces gaz atomiques vont commencer. Qu'est-ce qui va commencer? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui déclenche finalement l'effondrement de ces nuages de gaz pour arriver à de la nucléosynthèse et à ces créations d'étoiles? Alors pour l'effondrement, pour former un nuage moléculaire, la question que vous posez est encore une question de recherche actuelle. On ne sait pas exactement ce qui déclenche l'effondrement d'un nuage et son refroidissement. Ces fameux flots convergents dont je parlais avant, des effets mécaniques de choc, de compression, pourraient être à l'origine de la formation de ces nuages moléculaires dans ces structures filamentaires. Alors, juste, vous dites effectivement effondrement du gaz et refroidissement, c'est-à-dire quel est l'état du gaz au départ, c'est-à-dire avant justement ce phénomène d'effondrement, et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il se refroidit en fait? Alors dans ce cycle de la matière interstellaire dont on parlait avant, on va partir du gaz atomique, donc de quelques particules par centimètre cube, de températures qui sont autour de 100 degrés, de 100 degrés Kelvin oui. Eh bien, si on veut déclencher cet effondrement, il faut aller à des températures beaucoup plus basses, les températures de ces nuages moléculaires, 10 Kelvin, 20 Kelvin. Et donc, ce qui déclenche ça, c'est probablement un effet mécanique de formation et de la chimie pour refroidir. Donc, c'est un effet mécanique qui serait provoqué par un autre événement cosmique. Exactement. Par exemple, l'explosion d'une supernova, donc d'une génération précédente d'étoiles, qui peut perturber l'état d'équilibre. Mais ce qu'il faut faire d'abord, c'est rassembler du gaz. Donc il faut quand même que ce gaz atomique soit rassemblé, et le bras qui fait ça, la force qui fait ça, c'est la gravité. Il faut d'abord rassembler la matière pour que le nuage s'effondre. Et comment on passe justement d'un gaz tel que vous le décrivez, c'est-à-dire avec quelques particules au centimètre carré, à une concentration suffisamment forte pour que la gravité puisse avoir un rôle suffisamment fort pour d'un seul coup provoquer toute cette réaction en chaîne qui va amener à l'allumage de l'étoile? Alors ça, peut-être Maud, tu pourras compléter ce que je vais dire, mais cette étape de passage, elle est déclenchée par la formation de molécules. Il faut rassembler la matière à un endroit, donc il faut avoir une petite graine, et après c'est un effet d'accumulation finalement, c'est la gravité qui fait son travail. On crée un petit puits de potentiel gravitationnel, la matière tombe dedans. Et cet effet dynamique à grande échelle, de flots convergents, de milieux turbulents, eh bien on sait aujourd'hui dans les modèles de turbulence qu'il y a des zones de compression, donc qui rassemblent le gaz, et des zones plus détendues, c'est la nature d'un milieu turbulent, et dans ces zones de compression, eh bien la gravité fait son travail, tout simplement parce qu'il y a cette petite graine gravitationnelle qui fait s'effondrer le gaz. Maud Galamé. Oui, il y a énormément de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte pour créer ces surdensités à l'échelle macroscopique. Donc quand on parle des échelles globales de la galaxie, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte pour intensifier la densification du milieu et puis créer la formation stellaire. On peut notamment penser à quand deux galaxies se rencontrent. En fait, on s'est rendu compte que dans ces galaxies qu'on appelle des galaxies mergeurs, donc qui se fusionnent l'une dans l'autre, on a une intensification de la formation stellaire, et ça c'est typiquement lié au fait que quand elles se collisionnent ensemble, elles vont créer des surdensités, notamment sur la ligne de front. Une galaxie qui est très connue pour ça, c'est la galaxie des antennes, où on se rend compte vraiment que à l'interface entre ces deux galaxies, on a vraiment une surdensité, une surformation d'étoiles, contrairement à ce qu'on observe dans le reste des deux objets. Et puis dans les galaxies isolées, par exemple, on peut aussi citer l'exemple des galaxies qui ont une barre. Dans pas mal de galaxies proches, on a montré notamment que la formation de la barre dans les galaxies... La barre centrale, c'est des galaxies à spirale, voilà, avec une barre au milieu. Exactement, hein. Oui. La plupart des galaxies, en fait, ont cette barre. Et à chaque bout de la barre, on a également des phénomènes d'accrétion du gaz global des bras spiraux sur cette barre. Ça crée des surdensités, et là aussi, dans beaucoup d'objets, on observe une intensification de la formation stellaire de chaque côté de cette barre. Donc clairement, il y a des processus macroscopiques aussi qui rentrent en ligne de compte dans la formation des étoiles. Et qui ne sont pas qu'accidentels, qui ne sont pas qu'une réaction en chaîne provoquée par une supernova. Exactement. Ouais. Quels sont aujourd'hui les outils dont on dispose pour pouvoir étudier, parce qu'on parle depuis tout à l'heure et on voit qu'on a quand même un certain nombre d'informations très précises à propos de ce milieu interstellaire. Pour autant, c'est loin, c'est froid, il y a très peu de choses, c'est très peu lumineux. Comment est-ce qu'on étudie en fait aujourd'hui, avec quels outils dont on dispose aujourd'hui, et de quels outils disposera-t-on demain, Pierre Guillard? Alors, on dispose de plusieurs outils. Hein. Le premier, pour caractériser la nature chimique de ce milieu, c'est la spectroscopie. Historiquement, c'est d'abord la spectroscopie d'absorption qui a caractérisé les éléments chimiques dans le milieu. Donc, on a des télescopes au sol. Ce que disait Paul Couder tout à l'heure. Exactement, exactement. Et donc, aujourd'hui, de nombreux télescopes optiques et UV au sol observent, font de la spectroscopie UV. Ensuite, on observe des molécules en émission. Donc ça, par exemple, on a cité la molécule de CO qui est observée par les grands radiotélescopes aujourd'hui au sol, ALMA, NOEMA, dans les Alpes. Et puis, pour les molécules un peu plus difficiles à accéder, qui émettent dans l'infrarouge, il faut aller dans l'espace. On a quelques télescopes proches infrarouges au sol, aux Canaries, par exemple, au Chili. Mais, par exemple, pour le H2, pour le dihydrogène, la plus abondante, on ne peut pas y accéder, ou très peu y accéder depuis le sol. Il faut aller dans l'espace pour observer à des longueurs d'onde autour de 10 microns, 20 microns. Et là, il faut aller dans l'espace. Donc, on a notamment des télescopes comme Spitzer, ISO, avant, Spitzer, Herschel. Voilà. Et puis ensuite, ce milieu interstellaire, pour les poussières, on observe ce qu'on appelle le continuum, l'émission thermique, les grains qui sont chauffés par les photons UV, et ça, c'est dans l'infrarouge également. Herschel a révolutionné un petit peu notre vue du milieu interstellaire dans ses longueurs d'onde. Maud Galamé, sur l'instrumentation, comment vous avez travaillé, avec quels outils vous ? Alors moi, je suis une enfant d'Herschel. Hein, le télescope a été envoyé pendant ma thèse, donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec ce télescope-là. L'avantage des... donc il n'y a pas que Hubble dans l'espace. C'est lancé le 14 mai 2009, Herschel. Exactement. Donc c'est un télescope... lointain infrarouge et submillimétrique. Spitzer, c'était proche infrarouge et moyenne infrarouge. L'avantage d'avoir cette gamme de longueurs d'onde qui est observée, c'est que la poussière, selon sa température, va émettre dans des longueurs d'onde différentes. Donc, par exemple, quand on regarde à 24 micromètres, on a la poussière chaude tout près des étoiles. Quand on regarde à 70 microns, on s'en éloigne. Quand on regarde à 100, 160 microns, on va avoir la poussière de plus en plus froide. Donc, échantillonner l'intégralité du spectre, ce qu'on appelle la densité spectrale d'énergie, donc comment émet un objet en fonction de la longueur d'onde, ça permet d'avoir accès à tous ces grains avec des températures différentes. Alors, il n'y a pas que Hubble, mais il y aura peut-être un jour, si jamais on arrive à terminer ce télescope qu'on attend depuis si longtemps, et si on ne repousse pas jusqu'à 2275 sa mise en orbite, il y aura peut-être un jour le James Webb télescope. Qu'est-ce qui va permettre le James Webb télescope, justement, pour vos travaux sur le milieu interstellaire, Pierre Guillard? Alors, ce télescope, c'est un énorme télescope, hein, de 7 mètres de diamètre, qui va observer dans l'optique, mais aussi dans l'infrarouge. Donc, c'est clé pour observer la molécule d'H2, par exemple, mais aussi les poussières. Et ça, ce télescope, il va nous apporter, on va dire, 100 fois plus de détails, de finesse d'image que ce qu'on avait avec les anciennes générations Spitzer, hein, pour les télescopes qui travaillent dans cette gamme de longueurs d'onde. Donc, 100 fois plus de détails et 100 fois plus de sensibilité. Donc ça va étendre notre caractérisation de la poussière. Hein. On s'attend à caractériser les bandes spectrales d'émission de ces poussières beaucoup plus finement. On s'attend à pouvoir faire ce qu'on faisait dans notre galaxie, dans la caractérisation de notre milieu interstellaire, dans la Voie lactée. On va pouvoir le faire dans les galaxies externes. Et ça, c'est assez fondamental, jusqu'à des décalages vers le rouge assez haut. Maud Galamé, justement, sur le James Webb télescope aussi, qu'est-ce que vous en attendez ? Ben, moi, c'est essentiellement pour la composition des poussières et les raies d'émission de la poussière que le James Webb va entrer en ligne de compte dans la science que je fais. Et puis, la résolution spatiale, forcément, qui sera inégalée au vu de la largeur du miroir qui sera apportée par la mission. Sinon, il y a d'autres télescopes, hein, sur lesquels on travaille à l'heure actuelle. Le James Webb va arriver, mais il y aura aussi d'autres missions. Un jour, peut-être. Bon, là, en ce moment, on est en train de travailler sur un télescope qui s'appelle Spica, qui est prévu pour 2030, 2035. Donc beaucoup, donc, beaucoup plus tard. Peut-être que James Webb sera dans l'espace avant, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Oui, on espère pour Pierre. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci Maud Galamé, merci Pierre Guillard d'être venu nous parler du milieu interstellaire. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Natacha Trio, Alexandra Delbo, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi à la technique. Demain, et bien demain, suite au succès spectaculaire qui a permis à une personne tétraplégique de contrôler un exosquelette grâce à des implants cérébraux reliés à une intelligence artificielle, et bien nous nous demanderons jusqu'où l'intelligence artificielle peut venir en aide aux personnes en situation de handicap. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.